Bonjour ou bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, vous qui êtes à l'écoute de l'émission Mosaïque, émission phare de cette station. Mosaïque d'aujourd'hui axe sur la situation des droits de l'homme en général et ceux de la femme et de la fille au Burundi en particulier. C'est au moment où nous sommes dans une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est aussi une occasion de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNDH, en collaboration avec ses partenaires, d'évaluer l'état des lieux de l'évolution de la situation des droits humains dans le voisinage, ainsi que l'action du gouvernement pour pouvoir éduquer les VBG à l'endroit des femmes et filles. Lors du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les VBG à Gihanga, dans la province de Bubanza, au niveau national, le représentant des ONG réunis au sein de l'ONU Femmes a indiqué qu'une femme sur trois au Burundi est victime de ces violences. Le 10 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale dédiée aux droits de l'homme. Et plus d'un se demande comment est la situation des droits de la femme et de la fille au Burundi. Y a-t-il des lois et conventions qui protègent les droits de la femme et la fille contre les VBG? Quel est le rôle de la CNDH dans la lutte contre ces VBG? Quel est le rôle de la CNDH dans la protection des victimes de ces violences? Qu'est-ce que la CNDH a fait dans le but de protéger les femmes et les filles contre ces violences? Quels sont les défis? Qu'est-ce qui est fait pour que le droit de la femme et de la fille burundaise soit protégé en général? Voilà les questions essentielles qui vont nous guider dans ce débat mosaïque à surmonter cette problématique qui hante les droits de l'homme au Burundi en général et ceux des femmes et filles en particulier. Dans ce studio, je suis avec trois invités, à savoir Habimana Consolat, commissaire à la CNDH. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour. Je suis aussi avec Jacques Niokubgayo, conseiller au ministère de la Solidarité nationale. Bonjour monsieur et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis également avec Caritas Narima, vice-présidente de l'Association des femmes juristes du Burundi à FJB. Bonjour madame et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Voici les invités à ce débat Mosaïque qui vous a été préparé par la radio Isanganiro en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. À la cabine du son, je suis avec François Akimana Kirombo Leonidas est à la réalisation et à l'animation de ce débat. Vous êtes avec Evariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Entrons dans le vif du sujet de ce débat avec la première question à nos invités. Quelle est la lecture que vous faites à la situation des droits de l'homme au Burundi dans l'ensemble et ceux des femmes et filles en particulier? Je lance cette question premièrement à l'endroit du ministère de la Solidarité. Monsieur, vous avez représenté ce ministère. Comment est la situation aujourd'hui? Merci beaucoup de la question. Les droits humains au Burundi se portent bien, mais étant donné que nous sommes de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, je ne dirais pas que la campagne aurait raison s'il n'y avait pas quelques cas de violences faites aux femmes et aux filles. Donc le ministère reconnaît qu'il y a des cas ici et là, des femmes qui sont victimes de violences, soit au niveau des ménages, pour les filles, même au sein des écoles, même au sein de la communauté. Donc, on n'a pas de chiffre exact, mais les cas ne sont pas alarmants. Mais s'il y a des cas, ça interpelle la conjugaison des efforts pour que ces cas soient jugulés. Donc, la situation des droits humains, les droits humains se portent bien, mais les quelques cas sont connus et on essaie de tout faire pour que les victimes soient assistées et que les auteurs de ces violences soient traduits devant la justice pour être punis conformément à la loi. Oui, le rapport de l'ONU Femmes parlait d'une femme sur trois au Burundi qui est victime de ces violences. Et quand vous parlez que ce n'est pas alarmant, ces chiffres montrent que c'est alarmant. Ce n'est pas la méthodologie qui aurait été utilisée, mais des fois, dans ce cadre, la méthodologie utilisée, donc on va faire un échantillonnage de personnes et on va leur demander ce qui est arrivé tout au long de leur vie. Donc, les violences faite aux femmes et aux filles est répartie en plusieurs catégories. Mm-hmm. Une personne, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, qui n'a pas été insultée. Insulter, c'est une violence. Mm-hmm. C'est pas moi. Donc, si c'est une femme sur les trois, je dis que ça dépend. Donc, on ne connaît même pas le type de violence, la forme. Donc, ça peut être vrai. Mm-hmm. Ne sais pas, mais au niveau du ministère, nous avons des chiffres, des statistiques mm-hmm. sur les personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Ça comprend les victimes, c'est aussi des hommes et des garçons. Mais les chiffres que nous avons, il n'y a pas le tiers de la population qui est victime. Donc, des chiffres sont là, mais c'est de loin, inférieur à un tiers. Merci, monsieur Jacques Ndihokouga. Mais une autre petite question. Quand il s'agit des violations des droits de l'homme au Burundi, on oublie l'homme. Est-ce que les droits des hommes masculins ne sont pas violés au Burundi par les femmes? Je n'ai pas apporté la nouvelle statistique du ministère, mais dans les centres, par exemple, si nous avons le centre Humura, de Lumonge, même les cas qui sont accueillis, assistés par les directions provinciales de développement familial et social, les statistiques nous montrent que parmi les victimes, près de 10%, ce sont des hommes. Donc les femmes autour de 9%. C'est la même question à l'endroit de Madame Habimane Consolat, commissaire à la CNDH. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites à la situation des droits de l'homme au Burundi dans l'ensemble et à ceux des femmes et filles en particulier? Merci beaucoup de m'accorder la parole. La lecture que la CNIDH fait à une situation des droits de l'homme au Burundi et le respect des droits de la femme en particulier. Mm-hmm. Les droits de l'homme sont respectés en général, sauf que le respect des droits de l'homme est un chantier, c'est un chantier continuel, parce que c'est lié à la vie même de la société, là où il y a les gens. Donc, des malentendus ou des conflits ne manquent pas. Mmh. Ce qui fait que, donc, c'est un combat qui continue, donc qui ne soit pas mené en une seule journée et terminé. Quant au respect des droits de la femme, il en est de même, mais comme nous sommes dans les 16 jours d'activisme, nous sommes appelés à statuer sur leur cas. Concernant le respect des droits de la femme, le droit des femmes est respecté. Mais il y a des nuances, il y a des situations qui nécessitent quand même une amélioration. Et nous tenons à remercier l'État parce que l'État n'a pas fermé les yeux face à cette situation. L'État du Burundi a mis un arsenal juridique, des textes pour la protection de cette catégorie des femmes et filles victimes de violences. Il y a aussi des conventions internationales. Les conventions internationales, la Constitution de la République du Burundi, la loi spécifique sur les VBG, le code pénal. En lançant cette campagne, on a constaté que les chiffres qui ont été présentés par l'ONU-Femmes sont alarmants. Le rapport dit qu'une femme sur trois au Burundi est victime de ces violences. Êtes-vous d'accord avec ce rapport? Donc, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ne peut pas ni nier ni refuter ces statistiques parce que donc lors de l'analyse de ces statistiques on n'était pas ensemble, donc on ne sait pas quel aspect celui qui a fait cette analyse a interrogé pour confirmer ou infirmer, mais ce qui est évident c'est que cette tendance de violence faite aux femmes existe au Burundi même si l'effectif ne peut pas atteindre un tiers comme l'a déclaré l'ONU-Femme. Mmh. Oui. Déplorer au niveau de la CNDH la violation des droits des femmes et filles, qu'en est-il pour les hommes? Non. Nous sommes dans une période de 16 jours d'activisme où l'attention a été mise uniquement sur les violences faites aux femmes. Peut-être qu'on aura le temps aussi pour se cadrer sur les violences faites aux hommes. Le 19 novembre de chaque année, c'est la journée internationale des droits de l'homme masculin. Mais au Burundi, rien n'est fait, mais qu'ailleurs dans le monde, on voit les hommes marcher dans les rues des capitales. Pourquoi pas au Burundi? D'après ma compréhension, on ne peut pas encourager les gens à faire la marche dans la rue pour manifester la volonté liée au fait que le droit de ces hommes n'est pas respecté. Mais quand même, comme l'État est le parent de tout le monde, dès qu'on va constater que le droit des hommes n'est pas respecté, on aura à cadrer donc juridiquement leur situation et voir comment leurs droits soient aussi respectés, faire respecter comme les autres. Ils ont déjà fondé des associations des hommes en détresse. Peut-être que leurs voix seront entendues. Marima Caritas, vice-présidente de l'Association des femmes juristes du Burundi, AFJB. C'est la même question. Quelle est la lecture que vous faites à la situation des droits de l'homme au Burundi dans l'ensemble, à ceux des femmes et filles en particulier? Merci de m'accorder la parole. En ce qui est de la situation des droits humains en général, comme les autres l'ont déjà souligné, je n'ai pas de chiffres pour me prononcer avec exactitude. Mais si je me base sur le chiffre qui a été avancé par le représentant de l'ONU Femmes, vous constatez avec moi que si ce chiffre est exact, qu'il y a beaucoup de victimes de violences basées sur le genre, ce qui me pousse à dire que la situation des droits humains au Burundi connaît quand même un problème. Au niveau de votre association, est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous beaucoup de dossiers ou bien ça évolue? Je me dis que aujourd'hui, il y a un peu d'évolution grâce à des sensibilisations que nous faisons et que d'autres organisations de la société civile font. À l'endroit de la communauté, à l'endroit également des OPJ, des juges, d'abord pour la communauté, pour qu'elle sache leurs droits et pour qu'elle puisse les revendiquer devant les instances judiciaires en cas de violation. En ce qui est des OPJ et des juges, on les sensibilise pour qu'ils ils respectent la loi dans leur travail, pour que une fois saisis, ils puissent trancher dans le sens de l'égalité. Du moins, si je me réfère au cas des femmes qui recourent aux juridictions. Oui, et le rapport du représentant de l'ONU Femmes parlait d'une femme sur trois qui est victime de ces violences. Est-ce qu'il n'y a pas exagération là-dedans? Moi, j'ai pas dit que ce chiffre est exact parce que je sais pas sur quoi l'ONU Femmes s'est basé, mais j'ai dit que si ce chiffre est exact, que ça serait quand même un peu alarmant. Mais j'ai pas dit que je ne confirme pas que le chiffre est exact. Oui. Oui, on parle de violences basées sur le genre. C'est les violences dans l'ensemble. Est-ce que les femmes qui saisissent votre association se présentent comment? Est-ce que vous pouvez nous parler des sortes de violences que vous percevez au niveau de l'association? Oui, les sortes de violences que nous recevons au sein de notre association, je cite les violences sexuelles, les femmes qui ont été victimes de viol. Nous recevons aussi les victimes de violences physiques, les femmes qui, par exemple, ont été battues par leurs époux. Nous recevons également les femmes victimes de violences psychologiques, violences économiques ou affectives, et affectives aussi. Et dans tous ces cas, nous essayons de les donner, de leur donner des conseils juridiques, de leur donner des orientations. Et le cas échéant, nous leur donnons des avocats pour les assister dans les instances judiciaires afin qu'elles obtiennent justice. Oui, et quand on parle des droits de l'homme au Burundi, on entend directement les droits de la femme et les droits de la fille. Mais la situation des hommes aujourd'hui, il y a le ton qui s'élève disant que les hommes aussi sont battus dans les ménages. Aurais-tu déjà entendu que les droits des hommes masculins sont violés au Burundi? Oui, ça existe. Mon collègue l'a dit. La violation des droits des hommes existe aussi. D'ailleurs, dans la loi de 2016 sur les VBG, on définit ce que c'est la violence basée sur le genre, qui est toutes sortes de violences dirigé contre une personne en raison de son sexe. Mm-hmm. Donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Mm-hmm. Oui, le 19 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des droits de l'homme masculin. Mais au Burundi, cette journée n'est pas dans le calendrier. Alors, il faut aussi que les hommes s'associent et demandent la célébration de cette journée comme les femmes l'ont fait. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route et ceux qui viennent de tourner le bouton que l'émission en cours, c'est Mosaïque, le débat qui porte sur la situation des droits de l'homme au Burundi et surtout sur la situation des femmes et filles. Un débat qui coïncide avec la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Narima Caritas, vice-président de l'Association des femmes juristes du Burundi, est-ce que vous trouvez que la CNDH, que le gouvernement protège réellement les droits de la femme, les droits de la fille? Bon, le gouvernement a mis en place différentes lois. Mm-hmm. Il y a d'abord la constitution de la République du Burundi, oui, et qui prévoit une égalité entre tous les êtres humains. Le gouvernement du Burundi a également ratifié différentes conventions internationales relatives aux droits humains, mm-hmm, et lesquelles conventions font partie intégrante de notre constitution. Mm-hmm. Il y a une mise en place de différentes lois nationales, dont le code pénal, le code de procédure pénale, la loi de 2016 portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre. Mm-hmm. Donc, au niveau du cadre légal, le gouvernement a essayé de mettre en place des lois, même si leur applicabilité n'est pas satisfaisante. Merci beaucoup, madame, de l'Association des femmes juristes du Burundi. Au niveau de la CNDH, j'ai quelques questions. Quel est le rôle de la CNDH dans la protection des victimes de ces violences? Merci beaucoup encore une fois. Le rôle de la CNDH dans la protection des victimes des violences, c'est toujours de plaider en faveur de ces derniers pour que leurs droits soient respectés. Donc, la CNDH oriente ses victimes vers les maisons d'accueil qui sont chargées de les aider pour les soins médicaux, aussi pour d'autres besoins spécifiques pour cette catégorie. Au niveau de la CNDH, il n'y a pas de l'assistance juridique? Parfois oui, mm-hmm, mais cela se fait sur appui des partenaires au développement, ce qui n'arrive pas souvent parce qu'il y a des moments où on a ces fonds, il y a des moments aussi où on n'en a pas. Mm-hmm. Si nous en avons, donc nous essayons d'assister cette catégorie de victimes. Oui, nous sommes dans la campagne de 16 jours d'activisme contre les VBG. Quelle est la contribution de la CNDH? La contribution de la CNDH, c'est toujours de mener une sensibilisation dans le sens de conscientiser tout le monde, mm-hmm, que c'est un combat qui demande l'intervention de chacun, la conjugaison d'efforts, puisque aucune personne ou aucune catégorie de personnes ne peut se fixer l'objectif et réussir sans intervention des autres. Mm-hmm. Ça demande une conjugaison d'efforts, d'où la CNDH trouve que la sensibilisation sera une base très fondamentale pour réussir. Et il faut conscientiser tous les intervenants, il faut renforcer aussi, mener des sensibilisations pour le renforcement de l'éducation aux droits de l'homme, puisque la CNDH, dans ses études de fait, il a constaté qu'il y a des violences qui se font sous prétexte qu'on ignore la loi. Donc, sous prétexte qu'il ne sait pas que ce qu'il fait n'est pas contraire à la loi. Et cela est lié à la culture, comme ça a été invoqué par mes frères et sœurs qui sont ici. Parfois, il y a des actions, il y a des violences qui sont liées à la culture et l'éducation que l'auteur ou la victime a subi dès son jeune âge. Mmh. Nous visons aussi l'aspect de changement de mentalité, parce qu'une fois les mentalités des gens changent et que tout le monde soit conscient que commettre telle ou telle action est contraire à la loi, je pense qu'il y aura une amélioration. Merci beaucoup, madame de la CNDH. Habimana Consolat, vous êtes commissaire. Jacques Ndihokouga, yo conseiller au ministère de la Solidarité. Plus d'un se demande le rôle du gouvernement dans l'éradication de ces violences basées sur le genre. Nous sommes dans les 16 jours d'activisme. Quelles sont les actions du gouvernement concrètes pour lutter contre ce fléau? Merci beaucoup de la question. Les interventions en matière d'éradication des violences basées sur le genre sont faites selon trois axes. Donc il y a l'axe prévention, là où on fait beaucoup de choses. Premièrement, des séances de sensibilisation, des séances de conscientisation pour le changement de comportement et de mentalité, pour que les formes de violence soient connues, les conséquences soient connues, et que les gens puissent alors décider de couper court avec. Il y a également la lutte contre les facteurs qui favorisent les violences basées sur le genre. On peut citer entre autres les rigalas, la consommation des stupéfiants. Donc dans ce cas-là, le gouvernement s'y met beaucoup pour que ces facteurs soient limités. Mais également, il y a la vulgarisation des textes de loi qui répriment les violences basées sur le genre. Donc si des lois sont élaborées et par après vulgarisées dans ce cadre-là. Alors l'autre axe, c'est la prise en charge des victimes. Donc s'il y a un cas qui arrive, dans ce cas-là, on va assister la victime. Et dans ce cas-là, on a construit 5 centres de prise en charge holistique des violences, des victimes de violences basées sur le genre. Les centres de prise en charge holistique sont des centres dans lesquels où la victime reçoit tout le paquet dont elle a besoin pour recouvrir sa dignité. En dehors de ces centres, donc, il y a d'autres services du gouvernement, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de la justice, les directions provinciales de développement familial et social, qui donnent séparément l'assistance médicale pour ce qui est du secteur de la santé, l'assistance juridique ainsi que l'assistance psychosociale. Il y a également la réinsertion sociale et communautaire des victimes. Dans ce cas-là, les directions provinciales de développement familial et social effectuent un grand travail pour que, une fois la victime retourne dans la famille, donc pour que la victime ne soit plus stigmatisée, pour qu'elle ne soit plus indexée, pour que les relations avec les membres de sa famille soient au bon fixe. Donc on essaie de faire un accompagnement, des visites à domicile pour que la personne ne soit plus victime. Mais également, on essaie de faire, de les apprendre des métiers pour que ces anciennes victimes puissent avoir un métier qui apporte des revenus. Et dans ce cas-là, si on a quelques revenus, on est plus vulnérable face à quelques formes de violence basée sur le genre. Alors, l'autre axe, c'est la répression des auteurs. On l'a dit, il y a une loi spécifique sur les violences basées sur le genre qui a été adoptée. Il y a le code pénal qui est là, mais les lois à elles seules ne suffisent pas. On essaie de faire, on fait le renforcement des capacités du personnel de la chaîne pénale. On a créé des points focaux VBG dans les juridictions, donc des personnes qui sont là pour accueillir et juger les dossiers en rapport avec les VBG. Également, pour que ces dossiers soient traités avec diligence, on a même installé des fardes qui sont spécifiques à ce type de dossier, pour que même si on vient, on sait que donc le dossier qui se trouve dans la farde de cette couleur, donc c'est un dossier VBG, et dans ce cas-là, les juges essaient de traiter ça avec diligence. Merci beaucoup, Jacques Diokoub Gayo, conseiller au ministère de la Solidarité. Madame Halima Caritas, vous êtes de la FJB. Vous venez d'entendre les axes prioritaires du gouvernement à travers via le ministère de la Solidarité pour faire répression ces violences basées sur le genre. Est-ce qu'aujourd'hui, pas des défis que vous auriez déjà relevés au niveau de l'Association des femmes juristes? Merci. Oui, nous relevons des défis parce que des fois, les violences basées sur le genre sont commises à l'endroit surtout de femmes, mais des fois ces violences ne sont pas punies. Elles ne sont pas punies parce que en général ces violences se commettent en cachette. Et là, on a du mal à pouvoir constituer une preuve pour la victime afin que l'auteur de ces violations soit puni. Il y a aussi le voisinage qui ne dénonce pas. Ah oui, le voisinage ne dénonce pas alors que c'est prévu. Dans la loi sur les VBG, on dit que toute personne qui connaît un cas en rapport avec la violence basée sur le genre, qu'il doit le dénoncer, mais c'est pas ce qui se fait. Au lieu de dénoncer, on cherche à faire un arrangement amiable entre l'auteur et la victime, et même des fois l'administration y est. Les administratifs à la base aident à ce qu'il y ait un arrangement amiable entre l'auteur et la victime. Vous voyez que c'est un problème, même si nous, on est en train d'accompagner la victime, on est bloqué. on est bloqué quelque part parce que la victime vient nous dire, mais c'est fini, on a trouvé un règlement amiable et là c'est un problème. L'infraction a été commise, mais elle n'a pas été punie et certainement que ça va continuer. L'auteur de ces violences va continuer parce que il n'a pas été puni. Et aussi, il voit que l'entourage n'est pas dangereux pour lui. Mm-hmm. Ah oui. Vous parlez de l'arrangement amiable, donc il y a de l'impunité là-dedans. Ah oui, il y a de l'impunité parce que le crime qui a été commis n'est pas puni. Mm-hmm. Il y a un arrangement amiable, mais l'auteur dit, moi, je te propose un tel montant et il faut arrêter de me poursuivre en justice. Là, c'est un problème. L'impunité est là. Bien que la loi de 2016 a mis l'arrangement à l'amiable parmi les infractions qui sont punies par cette loi. Mm-hmm. Oui. Oui, si je ne me trompe, votre association a des points focaux dans les provinces ou dans les régions. Quels sont les coins du pays qui enregistrent beaucoup de cas de VBG? Non, ce n'est pas dans tous les pays. Actuellement, c'est pas dans tout le pays? Non, oui. Actuellement, ce n'est pas dans tous les pays. Actuellement, on est dans 2 provinces. Mm-hmm. Non, dans 6 provinces, dans la province de Kirundo et Changuzo, là on constate qu'il y a beaucoup de VBG. Mm-hmm. Mais pour d'autres provinces, le projet vient d'être installé. On n'a pas encore de cas, on n'a pas encore de chiffres en ce qui est des violences commises dans ces provinces. Mais dans les 2 provinces où nous venons de passer 2 ans, on constate qu'il y a beaucoup de violences économiques, beaucoup de violences sexuelles, beaucoup de violences physiques. Cela est dû à quoi? Cela est dû... Bon, d'une part, c'est dû à l'ignorance. Mm-hmm. C'est dû à l'ignorance que tel acte constitue une infraction. Mm-hmm. C'est dû aussi à l'ignorance de la loi, parce que des fois, les victimes subissent ces violences, mais elles ne sachent pas qu'elles doivent saisir les juridictions pour qu'elles puissent obtenir justice. Mm-hmm. Là, elles ne sont pas au courant. Elles ignorent la loi. Elles ne savent pas quelle juridiction compétente, quelle autorité judiciaire saisir, quelles violations elles ont subies. Ça, c'est un problème majeur. Il y a aussi le problème dit aux mentalités. Parce que, par exemple, si une victime a été violée, c'est pas facile qu'elle puisse dénoncer ça parce que être violée, c'est quelque chose qui est mal vu dans la société. Quelque chose de malheur. De malheur. Mm-hmm. Elle essaie d'ailleurs de cacher pour que personne ne sache qu'elle a subi ces violences. Et là, c'est un problème. Mm-hmm. Oui, merci Madame Caritas Nadima. Je me retourne vers Habimana Consolat, commissaire à la CNDH. Tout à l'heure, vous avez entendu les axes prioritaires du gouvernement pour pouvoir éradiquer ces VBG, ces violences basées sur le genre, surtout à l'endroit des femmes et filles. Comment est-ce que vous trouvez l'accomplissement de la mission du gouvernement? Est-ce que vous constatez une réussite? Est-ce qu'au niveau de la CNDH, quels sont les défis que vous relevez? Des axes fixés par le gouvernement pour arriver à la réussite. La CNDH ne fait que féliciter quand même le gouvernement pour cet effort. On espère bien que la réussite aura donc le temps d'être mise en relief. Mais des défis aussi ne manquent pas. Mm-hmm. Surtout que le combat de faire respecter les droits de l'homme, dès notre commencement, nous avons dit que c'est continuel. Ça ne s'arrête pas en un jour. Ça doit continuer comme la société aussi vit continuellement. Quant aux défis, je vais commencer là où ma consoeur a déjà amorcé, surtout en ce qui concerne la complicité de l'entourage. Il y a un point qu'elle n'a pas touché, surtout en ce qui est arrangement amiable. La CNDH a constaté que parfois ces arrangements sont liés à l'ignorance de la loi parce que cette masse de paysans, cette masse de personnes incultes ne sait pas ce que c'est, ne maîtrise pas ce que le contenu de la loi spécifique sur les VBG et que la complicité est punissable. Donc, beaucoup trouvent cet arrangement comme un moyen rapide de traiter une justice aussi qui va en quelque sorte couvrir la mentalité, cette mentalité liée à la culture, de tout cacher. Donc, laisser tout au tabou. Ce qui risque d'aggraver la situation. Donc, la CNDH trouve que c'est un défi très majeur parce que si on ne maîtrise pas la loi, si on ne maîtrise pas tes droits et tes devoirs, donc tu continues à réagir de n'importe comment, ce qui aggrave la situation. Il y a aussi la complicité des autorités locales. Des autorités locales. À ce niveau aussi, la CNDH peut imaginer que c'est lié à cette ignorance parce que toutes ces autorités locales, c'est vrai, elles ont été élues par le peuple, mais elles ne sont pas tous juristes et n'ont pas eu cette chance d'être mises au courant de cette loi. Ce qui fait que parfois leurs décisions sont parfois erronées, non pas par mauvaise foi, mais par donc inconscience, par cette ignorance. Là, j'ai senti en moi que je ne peux pas passer sans parler de ça. Et la CNDH trouve aussi à essayer donc de mener une étude pour analyser la tendance, cette tendance de violences basées sur le genre, dont on a choisi deux provinces pilotes avec les données qu'on a récoltées, le résultat obtenu. On a constaté aussi qu'il y a un défi lié à une vie modeste de ces familles issues des victimes de ce traitement. Donc, le père de la famille est responsable dont une vie, toute la famille dépend de lui. Donc, une fois qu'il soit arrêté et qu'il soit mis en détention pour être interrogé, donc la famille qui est restée à la maison donc subit son absence, les conséquences liées à son absence, parce qu'il était le seul qui peut chercher quoi vivre, pour toute la famille. Le constat qui s'est observé, c'est que ces victimes même de ces violences se présentent devant le juge pour dire, s'il vous plaît, pourriez-vous laisser mon mari comparaître libre ou abandonner ça. Tout cela est toujours lié à l'ignorance, mais aussi lié à cette vie modeste dont vit pas mal de la population et qui sont victimes de cette situation. Et ça constitue une contrainte pour le juge, pour la juridiction qui est en train d'instruire ces cas, parce que on doit toujours aussi, si on est en train de juger, on doit prioriser donc le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant doit être respecté dans toutes ses dimensions. Donc, entre maintenir ce présumé auteur en détention et pour fermer les oreilles aux cris de la maman victime et laisser le père aller chercher quoi vivre pour toute la famille, donc si l'infraction commise est susceptible donc d'être jugée pour laisser le présumé auteur comparaître libre, on préfère laisser le présumé comparaître libre. Les conséquences est que donc ce présumé auteur ne va plus comparaître. Ce sera pourquoi? Parfois par manque de volonté ou parfois pour contrainte de manque de moyens pour revenir parce qu'il est appelé à courir pour faire vivre la famille. Ça aussi, ce sont des défis. Et ce qui rend la justice dans une impossibilité de rendre la justice comme il faut. Tout cela sont des défis que la CNIDH a recensés. Il y a aussi dans la plaine d'Olimbo et dans d'autres plaines d'autres provinces, lors de la moisson du riz, on constate des violences économiques. Avez-vous relevé ce défi? Non, au niveau de la CNIDH, mais ce qui est évident, autant, si je parle en particulièrement en tant que moi j'ai eu l'occasion de travailler dans cette région pour quelques années. Pour eux, c'est pas un problème donc d'avoir deux ou trois femmes. Mais les femmes aussi compatissent. Oui, ils compatissent. Malheureusement, tout cela, si on essaie d'entrer en profondeur pour analyser la cause, c'est toujours lié à ce problème de l'ignorance de la loi qui régit à ces femmes ou à ces familles. Oui. Merci beaucoup, Jacques, du ministère de la Solidarité. Vous venez d'entendre que les axes du gouvernement pour pouvoir éradiquer ce fléau font face à des défis. N'est-ce pas un problème? N'est-ce pas un problème qui empêche cette avancée significative dans la lutte contre le VBG? Effectivement, c'est un problème qui handicape, mais des fois, je ne vous ai pas dit que nous avons une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre, qui est évaluée légalement. Donc, on trouve des. C'est évalué avec les partenaires et on trouve chaque fois l'évaluation identifie les défis du moment et on essaie de trouver des stratégies de les surmonter. À titre d'exemple, il y avait ce problème d'arrangement à l'amiable. On avait trouvé un financement et on avait installé ce qu'on avait appelé un système d'alerte. Rapide en cas de violence basée sur le genre. Alors dans ce cas-là, ce système nous avait beaucoup aidé. Je ne l'ai pas précisé parce que pour le moment, il n'est pas fonctionnel. Dans ce cas-là, on avait donné des téléphones à nos agents sur les collines, ce qu'on appelle les Zimboneza. Là aussi, il y avait un cas de violence basée sur le genre qui mérite donc une assistance immédiate. Dans ce cas-là, l'Imbonesa écrivait un message SMS et le message était reçu au niveau du ministère. Il y avait un système qui rediffusait le message au plus clair de la public de la province, au gouverneur, mais également au ministère de la Justice, mais également à l'administrateur ainsi qu'aux autorités du ministère du genre. Dans ce cas-là, il n'y avait plus moyen de faire les arrangements à l'amiable parce qu'on faisait un suivi. On disait, il y a un cas, qu'est-ce qui a été fait? Mais ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, donc les unités de recharge pour ces Zimboneza-là. Donc, je mets un autre défi. Les ressources, les moyens dans ce domaine. Là aussi, ça devient un défi qui est là. Mais nous essayons de travailler en collaboration avec tous les acteurs, tous les ministères sectoriels, le ministère en charge du genre, celui de la justice, celui de l'intérieur, celui de la santé, pour mobiliser ensemble. Nous élaborons des projets conjoints pour mobiliser des financements auprès des partenaires avec les financements donnés par le gouvernement. Nous osons espérer qu'avec le temps, on va pouvoir surmonter ces défis et éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Mosaïque. Nous sommes dans les dernières minutes de ce débat. Le débat porte sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Quel est le rôle des uns des autres pour que les droits des femmes et filles soient protégés, surtout contre les violences basées sur le genre? Madame Harima. Merci de m'accorder la parole. Les droits des uns des autres, je commence par le rôle des uns des autres pour éradiquer les violences basées sur le genre. Je commence par les sensibilisations qui devraient être menées d'abord par le gouvernement et aussi par les organisations qui interviennent dans la défense des droits humains, afin qu'il y ait modification, qu'il y ait élimination de ce chemin fondé sur l'idée de supériorité ou d'infériorité de l'homme ou de la femme. Il faut aussi qu'il y ait vulgarisation des lois nationales qui existent déjà et des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains. Afin que la communauté, afin que les juges puissent les connaître et pour la communauté les utiliser pour demander justice et pour les juges bien appliquer la loi afin de trancher, afin de prendre les décisions dans le sens de l'égalité. Mm-hmm. Ce texte dont vous parlez ne présente pas de lacune aujourd'hui. On constate que tous les textes sont écrits en français. Oui, il y a des lacunes, les textes sont écrits en français et contiennent même les uns des dispositions discriminatoires mm-hmm. à l'égard de la femme. Je ne sais pas si je peux les citer, si je me base sur le code des personnes et de la famille. Oui, quelques-uns tu peux en citer. Oui, il y a l'article 122 de ce code qui prévoit que l'homme est le chef de la communauté conjugale. Le garant de la famille. Oui. Se basant sur ça, l'homme fait beaucoup de violence à l'égard de la femme parce qu'il se dit, moi je suis le chef, je gère tout, de façon que la femme peut même ne pas avoir accès à la production. La femme peut, par exemple, être privée de la récolte, alors que c'est elle qui a tout fait, qui a cultivé, qui a cherché les semences, qui a fait tout pour que cette récolte soit disponible. Et là, l'homme peut prendre tout et priver la femme d'accès à ses ressources alors que c'était son droit. Autre chose, c'est que au niveau de l'article 126 de ce même code, on dit que on cite des biens que l'un des conjoints doit donner un consentement pour que ces biens soient aliénés ou créver de droits réels, mm-hmm. alors qu'il y a beaucoup d'autres biens, meubles, qui ont une valeur pouvant même être supérieure à ces biens immeubles, dont par exemple actuellement les voitures d'aujourd'hui, on peut trouver par exemple une voiture qui coûte, qui peut être... Qui a une valeur supérieure à celle d'une parcelle, par exemple. Mm-hmm. Il y a aussi les actions en société. On peut trouver quelqu'un qui a des actions qui ont une valeur d'un milliard dans une société. Là, vous trouverez que sur ça, sur ces biens, la femme ou l'homme, parce que c'est un conjoint, n'a pas le droit, il ne donne pas son consentement pour que ce bien soit aliéné ou grévé de droit réel. Là, vous trouvez que c'est un problème. Donc, sur ça, au niveau de l'association des femmes juristes, nous faisons le plaidoyer pour que, même s'il est bien meuble de grande valeur, qu'il y ait consentement de l'époux pour que de tels biens soient vendus ou grévés de droit réel. Mm-hmm. Et là, j'étais en train de parler de ce qui doit être fait. Mm-hmm. Il faut aussi qu'il y ait amendement des lois qui contiennent des dispositions discriminatoires. Tu veux parler de la Constitution Non, la Constitution. La représentation de femmes à 30%. Ah oui. Oui, la Constitution prévoit le minimum. C'est le minimum. Et si on arrive à 50% ou à 60%, il n'y a aucun problème. Je parle aussi... Ça serait discriminer les hommes? Non, ça ne serait pas discriminer les hommes parce que il faut aussi faire ce qu'on appelle la discrimination positive. Mm-hmm. Parce que les femmes ont longtemps été discriminées, alors il faut les aider à aller de l'avant et à arriver à un certain stade. Mm. Si on prend les 50%, il n'y a pas de problème. Ça serait mieux. Mm-hmm. Ah oui. Mm-hmm. Il faut aussi qu'il y ait mis en place des lois. Il y a des lois, trois projets de loi que AFJV avait initié en 2004, et trois avant-projets de loi en matière de succession. Parce qu'on trouvait que la fille avait des difficultés à hériter sur les biens laissés par les parents. Mm-hmm. On avait aussi initié, proposé de créer mise en place de la loi sur les régimes matrimoniaux pour qu'il y ait une loi qui régit, qui montre comment les biens entre les époux sont gérés. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une loi sur les libéralités. Même si ces lois n'ont pas encore... Elles sont restées lettres mortes. Oui, mais on continue le plaidoyer pour que ces lois soient mises en place parce que ces lois pourraient aider à ce qu'il y ait diminution de ces violences basées sur le genre. Ah oui. Il faut aussi qu'il y ait... que les victimes de ces violences puissent les dénoncer et aussi que la communauté aide dans cette dénonciation. Ah oui. Merci beaucoup, Madame Harima. C'est la même question à l'endroit de Madame Consolata, commissaire à la CNDH. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait dans tous les secteurs? On entend que les textes sont lacunaires. Merci de cette question très pertinente. Comme c'est déjà souligné, et que les textes sont parfois lacunaires. Présentent quelques lacunes. Susceptible d'amélioration. Oui. Moi, je trouve que le rôle primordial qu'il faut jouer, il faut harmoniser d'abord ces lois. Donc, là où ça s'observe des lacunes, heureusement qu'il y a des projets d'amendement qui sont en train d'être menés et que ça avance. Ça, quand même, donne de l'espoir que... Donc, ces lacunes, un jour, ne seront plus. Donc, la loi sera parfaite, même si elle ne peut pas être parfaite. Donc, il faut qu'il y ait harmonisation pour que le contenu, surtout le contenu d'un texte, va de pair avec l'applicabilité. Et ça serait, bien que c'est une idéale, mais on aspire à y arriver. Il faut aussi qu'il y ait qu'on éveille la conscience de tous les intervenants parce que le respect, la protection des droits de la femme ne sera pas possible si une seule partie s'engage. Il faut que tous les intervenants, si je parle des intervenants, là je parle de l'État qui a déjà fait un pas dans la mise en place de ces arsenal juridique, ratification des textes internationaux, des instruments internationaux et autres, la constitution du Burundi et tout autre. Là, je parle de cette masse, des victimes même de cette situation. Il faut que cette masse soit conscient de leur état et que leur conscience soit éveillée, que leur contribution est aussi importante pour sortir de cette impasse. Là, je parle d'essayer de s'imprégner en ce qui concerne la loi qui les concerne, qui leur confère les droits et les devoirs. Si je parle d'intervenants, il faut aussi des partenaires au développement. Tout à l'heure, nous avons souligné des défis qui sont liés aux moyens de vie modestes de ces victimes, de cette situation. Là, on ne peut pas se passer de parler aussi des contraintes que peut rencontrer l'État qui a cette volonté d'accomplir telle ou telle autre chose pour redresser la situation. Mais le défi des moyens peut manquer. Si les partenaires au développement peuvent intervenir pour appuyer, ça serait une contribution très considérable pour sortir de cette situation. Il faut aussi viser la sensibilisation au changement de mentalité, surtout aux hommes et quelquefois aux femmes, puisque la femme d'il y a 20 ans, d'il y a 100 ans n'est plus la même d'aujourd'hui. Et vu le prescrit de la Constitution, vu ces instruments internationaux qui sont déjà ratifiés par le pays, il faut quand même accepter qu'il y ait un pas d'avance. Donc, le changement de mentalité est très important. Il faut aussi songer à arrêter des stratégies qui visent à l'épanouissement donc totale de la femme dans toutes ses dimensions. Je ne peux pas terminer sans toutefois souligner qu'il faut aussi que les textes où ces victimes prennent la source de protection. Serait agréable que ces textes soient traduits en Kirundi, puisque nous avons une très grande partie de la population qui ne maîtrise pas le français. Et il faut que, étant donné que, partant du principe qui dit qu'il n'est censé ignorer la loi, donc on ne peut pas prétendre que des personnes qui n'ont pas eu cette chance de fréquenter l'école sera au courant et va s'approprier du contenu des textes qui est écrit en français, alors qu'il n'a pas eu cette chance de fréquenter l'école. Donc, si on pouvait faire ce pas aussi, de traduire ces textes en Kirundi, je pense que ça pourra contribuer dans l'amélioration de la situation. Merci. Monsieur Jacques, du ministère de la Solidarité, vous l'avez entendu, tous les appels, le premier acteur à réagir, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour relever tous ces défis? Merci beaucoup. Premièrement, nous allons conscientiser la communauté, pour qu'elle soit sensible à la question des violences basées sur le genre, parce que ces violences se commettent dans la communauté, et si cette communauté ne s'implique pas activement, tout ce que les autres acteurs vont faire n'aboutira à rien. Donc il faut que la communauté soit consciente que les violences, c'est un manque, donc c'est un marre de société qui est là, donc, et qu'elle sache que ce rôle était primordial pour lutter contre ces violences. Premièrement, il faut que la communauté soit consciente qu'elle doit être à l'écoute de la victime, elle doit être la première à secourir la victime, à l'accompagner dans les structures spécialisées de prise en charge, mais également qu'elle doit être la première à aider la justice à appréhender le présumé auteur, mais également que c'est la communauté également qui va donner les preuves. Donc la communauté doit être là pour témoigner de comment la violence s'est passée. Donc nous allons essayer de conscientiser la communauté pour qu'elle soit responsable. Autre chose, on va demander à l'administration. L'administration, des fois, il y a certains administratifs qui ne sont pas sensibles aux questions des violences basées sur le genre, alors que l'administration est chargée du bien-être de toute la population. Donc le bien-être n'est pas possible lorsque dans les ménages, ça ne va pas. Donc il faut que l'administration, du sommet à la base, il faut qu'elle s'implique activement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc on va essayer de les sensibiliser. Il y a constaté qu'il avait dit, des fois on les demande beaucoup parce que quelqu'un il est élu chef de colline, quelqu'un est élu administrateur communal. Si nous ne faisons pas le renforcement de capacités, des fois nous avons même des défis, on a renforcé, par après il quitte, il vient quelqu'un d'autre. Si, donc on doit avoir des ressources continuelles pour renforcer les capacités, pour le sensibiliser, pour lui montrer quel rôle il doit jouer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce que le rôle des administratifs à tous les niveaux est un rôle très très important. Parce que c'est lui qui coordonne les activités qui se commettent. C'est au niveau de la commune, c'est lui qui coordonne les activités qui se réalisent au niveau de la colline, de la commune, de la province. Donc s'il s'implique, s'il prend les violences domestiques, il les dirige en priorité. Dans ce cas-là, ça crée un beau climat pour tous les acteurs. Autre chose, on va essayer, donc on est en train de faire ça, on va essayer d'améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, donc en donnant l'accès aux ressources économiques pour qu'elles soient à mesure d'avoir un peu de ressources et dans ce cas-là, être moins vulnérables face aux violences basées sur le genre. Parce que si on est pauvre, dans ce cas-là, la pauvreté lent de plus en plus les femmes et les filles vulnérables face aux violences sexuelles basées sur le genre. Alors nous allons essayer, nous allons mettre beaucoup d'efforts dans l'autonomisation économique des femmes et des filles. Mais également, les textes de loi, on l'a dit, le gouvernement est déjà sur le chantier. Il y a les textes de loi qui sont à révision. On va essayer d'accélérer le processus d'adoption pour qu'on ait des outils qui sont efficaces à donner aux acteurs de la chaîne pénale pour que les acteurs soient punis conformément à la loi. Donc, nous allons également continuer, comme ça a été dit, la conscientisation de la communauté pour le changement de mentalité. Pour le moment, il y a certaines approches, même si on ne parle pas de violence basée sur le genre, il y a par exemple la masculinité positive qui fait comprendre à certains hommes que faire des violences, c'est même se faire des violences. Faire la violence à son conjoint, c'est se faire des violences parce qu'on ne fait que montrer à un homme qui commet des violences dans sa famille, lui montrer une autre famille alors qu'il n'y a pas de violence. On a fait le mariage la même année, on était dans les mêmes conditions, mais à un certain moment, si on fait la comparaison, tu fais que dans la famille, il n'y a pas de violence, on a évolué. Dans l'autre où il y a des violences, on n'a pas évolué. Alors, si on montre aux hommes le manque à gagner, dans ce cas-là, ils prennent conscience et ils changent de comportement et se réservent à ne pas commettre ces violences. Donc, on va également mettre un grand paquet dans la jeunesse. Dans les familles, il faut que les enfants, garçons et filles, soit considéré de la même façon et accès aux mêmes opportunités, soit considéré de la même façon, on réapprend les mêmes travaux pour que entre le garçon et la fille, il y ait respect. Et dans ce cas-là, même s'ils deviendront adultes, donc le garçon va respecter sa femme, mais également la fille saura comment bien vivre en harmonie avec son conjoint. Merci beaucoup Jacques Ndiokoubgayo. C'est sur ces contributions de nos invités que je boucle cette émission qui portait sur la situation des droits de l'homme au Burundi en général et ceux des femmes et filles en particulier. J'étais à son studio avec Narima Caritas, vice-présidente de l'Association des femmes juristes du Burundi, AFJB. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. J'étais aussi avec Madame Habimana Consolat, commissaire à la CNIDH. Merci à vous aussi d'être venu. C'est à vous que nous remercions. J'étais également avec Jacques Ndiokoubgayo, conseiller au ministère de la Solidarité nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'émission vous a été conjointement préparée par la radio Isanganiro en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. À la cabine technique, j'étais avec François Kimana. À la réalisation, c'était Leonidas Kirombo. Et à l'animation de ce débat, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque.